On est en 2010. On est en 2010. On est en 2010. On est en 2010. Une bonne année, une bonne année. Je vous souhaite une autre putain de bonne année. Putain de bonne année. Putain de bonne année. Une bonne année, une bonne année. Je vous souhaite une autre putain de bonne année. Putain de bonne année. Putain de bonne année. Une bonne année, une bonne année. Je vous souhaite une autre putain de bonne année. Une bonne année, une bonne année, je vous souhaite une putain de bonne année, putain de bonne année, putain de bonne année.